puis la spiritualité, puis la parapsychologie, pas toutes les... Je sais pas, moi, toutes ces niaiseries-là, ben c'est facile. Mais quand tu rencontres des gens qui sont dans la finance, des gens qui sont dans la politique, des gens qui sont dans la grosse matière, puis t'as un travail en science à faire avec ces gens-là, tu peux pas rentrer avec ta croix. Faut que tu rentres avec tes exploits. Tes exploits. Ah, avec tes exploits. Tu rentres avec tes... Qu'est-ce que j'ai chez Brownfin quand je rentre, des scientifiques viennent de tous les pays pour rencontrer là parce que c'est une sorte de salon. J'ai ma gueule. C'est parce qu'il y a des physicistes, il y a des médecins, il y a toutes sortes de monde là, puis ils savent que ce petit truc-là qui est dans le coin, il est capable de parler à tout le monde. C'est ça le prix. Si j'avais pas ça, je pourrais pas rentrer dans les... Je pourrais même pas rentrer dans les barrières. Même ça marche. Ah, si j'avais un gros compte de banque, mais c'est un gros gros mec, je pourrais rentrer, parce que c'est le compte de banque. C'est un équilibre. Soit que t'as un équilibre au niveau du compte de banque, ou niveau des gens. Dans mon cas, c'est l'intelligent. Déjà. Les autres, elles savent pas. La loi de l'expression, c'est de sorte que vivait la forme du sacré de l'esprit. Continue sur ça. Non. C'est parce que... Toi, laisse-moi le faire, il y en a un autre dedans qui dit. Lève debout. Lève debout. Lève debout. Lève debout. Parce que je veux d'entendre. C'est parce que, pour moi, là, le sacré, c'est le sacré, là. C'est mettre la journée des genoux de flexion, baiser les bagues, être impressionné. Être impressionné par ce qui est sacré, là. Puis il y a tout le protocole qui rend sacré, que ce soit par exemple au niveau d'un appareil de justice, au niveau d'un appareil d'église quelconque, il y a un sacré. C'est tout des lois d'impression. Ben oui, c'est une loi d'impression. Quand tu vas en cours, le tribunal, tu sais comment est-ce que c'est pesant le tribunal? Tu as remarqué que la loi, ça change pas. Hein? C'est bien traditionnel, bien conservateur. Pourquoi? Parce que les lois d'impression, c'est ce qui est le plus dur à changer dans une société. Puis c'est ça qui renferme toutes les émotions d'une société. Puis un pays, d'ailleurs, c'est ce qui arrive des révolutions, des révolutionnaires, ils mettent tout ça en terre. Puis ils commencent avec d'autres lois d'impression. En général, il n'y en a pas au début. C'est le bordel. Mais après 100 ans, 200 ans, tu vois qu'il y a encore. C'est ça pour créer. On appelle la civilisation. Mais c'est très important parce que c'est avec ça que la fille marche aussi. Aussi bien que toute la hiérarchie clédiastique aussi. Puis briser le sacré, quand je t'entends dire le sacré, il faut que ce soit tout brisé, la forme du sacré. C'est une loi d'impression, ça aussi, c'est oui. Comme la justice dont tu parles. Comme la séduction au niveau des relations interpersonnelles, au niveau physique. Oui. C'est toutes des lois d'impression, ça fait toutes des hiérarchies. Toutes ces lois-là, pour que soient visées. Oui, parce que c'est des peurs. C'est parce qu'on se rend compte de l'autonomie. C'est ça. Sans ça, tu es prisonnier de ces lois d'impression-là. Ça veut dire que je suis quelqu'un. Je suis important que je sois, par exemple, au niveau de l'Église, je suis prisonnier de ces lois-là, mettons que je te parle au niveau de l'Église, que je sois au niveau de la cour, je suis plus prisonnier de ces lois-là, c'est-à-dire que je les respecte de ces lois-là parce qu'elles sont là, mais moi, je n'entre pas dans ces formes-là parce que je suis consciente que je suis autonome. Ouais, la forme ne t'impressionne pas. C'est ça. Mais tu la respectes parce qu'elle fait partie de... Parce que les formes, les lois d'impression sont de belles formes. Oui. C'est ça qui donne la civilisation, c'est ça qui donne la couleur à la civilisation. Mais il faut pas que tu sois prisonnier. Mais seulement, je me mettrai pas en quatre pattes. Non. Devant le gars. Non. Qui a le mot, qui a un titre sur lui, qui s'appelle le PDG de quelque chose quand c'est un con. Tu comprends-tu? Mm-hmm. C'est parce que les gens veulent absolument conserver la loi de l'impression parce qu'ils sont chapeautés par les postes de commande, par la sécurité. Les postes de qui sont liés. C'est la loi de Beaver. C'est leur sécurité. C'est la sécurité. Alors que ces lois d'impression-là, les intégrer comme quand je suis autonome, quand je ne suis pas prisonnier de ces formes-là, je peux être ticu avec mes ticus, puis être très honorable et très honoré, et très respectueux et très respectable, comme avec le juge, comme avec Exactement. Il faut qu'on soit comme des élévateurs. Tu descends au premier, ou tu montes au septième, tu es toujours à l'aise. Un homme qui peut être à l'aise avec les ticus, comme tu dis, qui peut être à l'aise avec les rois, puis il est au bout. Il est au bout. Lui, il va aller. C'est ça. Ça, c'est pas facile. Parce qu'avec les ticus, ça va. Quand tu rentres, quand tu rentres dans, quand tu commences à rencontrer la grosse finance, là, le gros pouvoir politique, là, je te jure que tu vas. T'as peur de faire des erreurs. T'as peur de pas dire le bon mot. T'as peur de pas leur faire plaisir. T'as peur. C'est pour ça que ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, les ticus sont bloqués d'eux autres. Automatiquement. Faut que tu sois conscient de leur forme, eux autres. Faut que tu sois conscient. C'est comme une... Quand tu fonctionnes au niveau de l'intelligence, t'as pas compris. Mais aussi sûr que t'as pas ça, tu vas te barrer automatiquement de ces cerveaux-là. Vous êtes déjà allé, vous savez comment c'est quand on se marie? Là, là, faut que tu ailles chez la fille le soir, là. Toi, tu viens d'une famille pauvre, puis elle vit d'une famille de Westmount, puis tu vas m'habiller. Le seul lien qui entre toi et la famille, c'est l'amour que t'as pour la fille. Puis t'as peur si le père a trop de puissance ou la mère a trop d'influence à la fille, que ça pète le faire. Tu t'en vas à la maison le soir, puis tu trouves les portes Charlie, là. Puis là, il t'examine. Là, tu te rentres dans tes pilotes pendant 2-3 heures. Quand tu ressors, t'es content, maudit. Là, tu... C'est le même. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sans. La loi de l'impression, c'est l'envers de l'illusion. La loi de l'impression... Ah, ça se met. La loi de l'impression, c'est la domination de l'intelligence cosmique sur l'ego de l'homme. Inconscient. La loi de l'impression, c'est l'application sur tous les plans de l'univers de la force. La loi d'impression, c'est la compréhension parfaite des lois de la force. La loi d'impression, c'est la manipulation parfaite de la force. La loi d'impression, c'est la liberté totale de l'esprit de l'homme. La loi de l'impression, c'est la pénétration de la lumière dans toutes les formes. La loi de l'impression, c'est l'ajustement constant et permanent et parfait d'une forme en relation avec une autre au fur et à mesure que l'esprit de l'homme avance dans la découverte de ces formes-là. C'est une loi cosmique. Ça fait partie de l'intelligence. C'est à la base même de la psychologie. C'est à la base même des rapports entre les hommes. C'est à la base même de la structure des civilisations, de la formation des civilisations. Les lois d'impression en France ne sont pas les mêmes lois d'impression qu'en Angleterre. En Chine, en Russie. Puis il y a seulement un dénominateur commun pour toutes les lois d'impression sur une planète où il y a plusieurs civilisations, c'est l'intelligence cosmique. Que t'es en Chine, que t'es aux États-Unis, que t'es en Russie, tu fonctionnes vibratoirement, tu sais toujours quoi faire précisément au bon moment. Tu peux rentrer dans n'importe quelle société. Tu deviens universel. Sans ça, t'es bloqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication entre les civilisations. Parce que les lois d'impression sont totalement fermées. L'Américain va en Europe, l'Européen vient aux États-Unis. Les lois d'impression des deux pays se superimposent. Pourquoi? Parce que l'Américain n'est pas capable de fonctionner en Europe créativement, puis l'Européen regarde fonctionner créativement en Amérique. C'est pas tout de suite. Ouais. Au lieu de rentrer en Amérique ouvertement dans son esprit, il vient en Amérique avec les mémoires de l'Europe. Là, il commence à critiquer. Ah, ni, ni, ni, ni, ni, ni. L'Américain dit, mais non, non, attends, j'ai dit, t'as pas ça. L'Américain s'en va en Europe, il dit en France, que tu vas avoir un téléphone, tu peux attendre 2 heures pour avoir un téléphone, nous autres, chez nous, on a ça un après-midi de temps. Le Français va dire, attends, j'ai eu avec le téléphone. Voilà. Parce qu'il reste pas. C'est comme une loi d'expertise de l'esprit. Je t'ai vu, la loi d'impression, c'est une des plus grandes et une des plus belles lois de l'intelligence cosmique. Ça a lié à faire de l'astral. C'est très normalement. Ça a plus belle. Moi, je dis à eux autres, c'est pas pourquoi ce que j'ai dit rien chez nous, moi, je pense qu'elle vient de même. Je dis, comment ça que je suis pas capable d'arriver, comme elle aime ça, quand je mets mon petit soupe brun pâle. C'est nul, non? Oui, j'ai fait de l'impression. Une fois, je suis avec mon petit brun pâle, tu t'es bien et tout, quand tu viens avec ton soupe brun pâle. Mais je viens toujours à bien de même. Parce que ça me jurerait. Si j'avais mis 10-15 habits différents, ça n'aurait pas possible. Mais je n'ai mis un gant, Quand m'en parle dedans, chaque fois qu'on me voit, elle me dit, t'as pas ton petit soupe brun? Non, tu sais que la loi de l'impression de l'esprit existe parce qu'on est inconscient. Quand on soit dans la conscience, elle va exister encore. La loi de l'impression est toujours là. Tu t'en sers, c'est un outil d'esprit, la loi de l'impression. Ça fait partie d'intelligence. Ça fait partie d'une subtilité de l'esprit. Ça fait partie du rayonnement de l'esprit. Ça fait partie de la perfection de l'esprit. Ça fait partie de l'utilisation parfaite de la forme par l'esprit. Du moment que tu n'es pas dominé par elle. Parce que tu disais qu'elle existe à cause de l'inconscience. Oui. Ça nous permet. Quand tu n'auras plus d'inconscience, cette loi-là, ce qu'elle va disparaître. C'est un autre plan. Si tu tombes sur une autre place, si tu vas dans les terres, t'as d'autres lois d'impression, mais c'est plus la même loi d'impression que t'as ici. Mais ça, attends, tant qu'il y a de l'inconscient, les gens sont prisonniers de la loi d'impression. Tandis que dans les terres, la loi d'impression n'est pas pareille. Parce que dans les terres, la loi d'impression, c'est simplement une loi esthétique. Tandis que ça, attends, c'est pas simplement une loi esthétique, c'est une loi d'émotion. La loi d'impression, c'est une loi d'émotion. La preuve. Moi, je devrais être capable de rencontrer Barbara Bronfman, que j'ai une somme que j'ai pas de sens. Tu comprends? Je devrais quand même rencontrer n'importe qui dans une société, puis rien que le mettre sur la table ce que j'ai dans mon assiette. Mais non, je suis obligé de passer. Il me faut filer. Ou passer par des moyens, t'as droit à l'impression. Quoi? Les gens sont pas conscients, c'est pas conscient, mais c'est bien temps, Bernard. Why don't you come to my house? Why don't you come and talk to me? Pour les gens, c'est important, mais pour toi, c'est. Évidemment. Si quand t'es conscient, c'est tout pour les autres, c'est chiant. C'est ça. Peu de temps, peu de temps. Ça fait partie de la créativité, la créativité à fort. Voilà. La voix d'impression, elle impressionne ceux qui ont pas, qui connaissent pas la voix d'impression. Moi, c'est la cassette! C'est la cassette, pour vrai! Exactement! Exactement! C'est vrai. Moi, j'ai dit à ma femme, durant l'initiation, parce que je connaissais la vie, le fait que je devais rencontrer mes gens. J'ai dit jamais ça, parce qu'avec ma femme, pendant 7 ans de temps, j'ai enseigné ma femme. J'ai dit jamais, quand ma mère était Shawinigan, j'ai dit jamais, quand tu rencontres du monde, ou tu rencontreras plus tard des gens dans le monde, que ces gens dans le monde doivent savoir que tu viens de Shawinigan. Pas la femme de Shawinigan. Je veux dire que ta nobilité doit être tellement stable, que ces gens-là ne pourront jamais mettre en doute la vibration de la loi d'impression de la personne. Non, oui. Quand t'as à n'importe quelle place, comment ça sera bien beau. Regarde avec tes yeux, ferme ta gueule. On s'en parlera après avec un petit café au restaurant. C'est vrai. J'étais à New York avec elle une fois. Moi et ma femme, en général, quand je l'habille, on va ensemble. J'avais acheté un beau costume. J'ai dit, mais voilà, à New York, là, il y a quelqu'un qui va faire une remarque sur ton costume. Fait qu'on s'en va à New York, on s'en va chez Saks, on Fifth Avenue, puis on était sur le deuxième plancher. D'un coup, il y a une femme qui arrive. C'est quoi, c'est quoi? Oh, darling! Nanana. T'as bien un beau costume. T'as bien une belle teinte dans ton costume. Puis ma femme, elle a dit, thank you very much, Bella Watson. Pas drôle, yo, tu sais comment c'est que ça, les femmes, ils viennent toutes comme des oiseaux. Elle continue à leur remercier, puis elle continue son chant. Puis c'est à ça, le compliment qu'elle devait recevoir dans l'ignore. Puis si, avec une petite minute, dans ce temps-là, je vibrais parce qu'il fallait ajuster ses corps. Dans ce temps-là, là, si elle faisait la moindre erreur, parce que moi j'appelle ça des erreurs psychologiques, la moindre erreur psychologique, je t'avais un mood de choc qui me passait dans le corps, là. C'est là que je donnais des chocs. Je voyais tout. Puis je suivais constamment. Quand elle parlait, je checkais. Pas pour ce qu'elle disait, mais comment elle disait. Tu sais, la vibration. Comment elle disait. Puis aujourd'hui, ben, elle est dans sa vibration. Hein? Et toujours dans le monde d'impression. Puis elle est sain comme bonjour. Elle est bien sain. Mais elle est toujours dans le monde. C'est ça. C'est ce qu'on appelle avoir le fitness. Fitness. Fitness. Fitness. Ça fait. C'est ça. Ça fait. Exactement. Ça fait. Moi, j'aimerais ça vous en parler de mes impressions, mais je m'éterniserais ça. C'est la psychologie même, la loi d'impression, Hélène. C'est la psychologie même. C'est la psychologie même de la bonne impression. C'est la fondation de la psychologie de la bonne impression. Exemple. Je vais donner un exemple. Un schizophrénique. Un schizophrénique, c'est un homme qui a été abattu, qui a été abasourdi, qui a été surimpressionné. Parlez fort. Il est plus capable d'en prendre. Il craque. Il y a une disconnexion entre le corps astral et le corps mental. Il n'y a plus l'intelligence suffisamment grande pour pouvoir raccorder les formes. Il est en dehors de la loi d'impression. La schizophrénie, c'est le point terminal où la loi d'impression n'est plus active dans l'homme. D'ailleurs, tous les hommes ont de la loi d'impression. Un homme qui est plus capable de fonctionner à l'intérieur de la loi d'impression, il craque, il devient aliéné. Prends n'importe quel cas de maladie mentale. C'est la loi d'impression qui est défaillante. C'est la psychologie même de la loi d'impression. C'est pas parce que j'ai jamais parlé de ça avant. Je suis pas d'impact. C'est de la crédibilité mal d'une personne. Toi, tu disais, dis jamais que tu viens de Shawinigan. OK? Supposons que moi, je dis que je viens de Shawinigan. Ben, certains de la gang de Shawinigan vont venir me voir. Ils vont pas venir me voir, ils vont être impressionnés. Oh, tu viens chez nous, tu vends, tata. C'était quelqu'un, bon, OK? Mais si tu ne dis pas, c'est t'impressionne, non pas parce que tu viens de quelque part, mais parce que tu es crédible, ce dans quoi tu agis ou tu perds. C'est oui. Ça. Ils sont obligés d'apprendre rien ce que tu présentes. Que tu viennes de Shawinigan, ou de la rue Folhomme. C'est la compétence d'un homme. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui est compétent, de quel âge va respecter comme mécanicien quand il fit avec ça. Exactement. Exactement. Parce que les gens ont des émotions. Parce que tu dis que tu viens de Cornwall. Ah, tout de suite. Tu viens de Cornwall. Il y a une vibration. Je pensais qu'il y a une vibration. Bon, ben, la séduction, là, tu commentais, c'est pas ça. La séduction, c'est dire, écoutez, lisez-moi la gagne. Je viens de chauffer. C'est ça. Exactement l'envers de ça. La séduction exprime. La séduction exprime la loi d'impression, tandis que la loi d'impression n'exprime pas. Elle est manifeste. Elle ne s'exprime pas. Quand, moi, t'as montré où on voit les erreurs de la loi d'impression. Tu vas dans un musée à Montréal, aux Beaux-Arts. Les niaiseux, là, les intellectuels, là, les yo-yo doivent se mentre, là. Là, là, ils regardent là, puis là, ils vont discuter de la peinture. Il y a une façon de discuter de la peinture. Puis ça se sent. C'est pesant. C'est pesant. Moi, j'ai fait de l'expérience avec ma petite fille. Ouais, je suis arrivé devant un tableau, puis j'ai dit, ouais, c'est de la vraie merde, ça. T'as dit, ouais, la bonne femme, puis le bonhomme à côté de moi. Là, il est haut de terre de même. C'est comme dans les programmes, par exemple, quelqu'un qui écoute beaucoup de la musique. C'est la merde. Mais j'ai dit que ça. Parce que quand t'es en dehors de la loi, quand t'es pas influencé par la forme, tu peux faire ce que tu veux. C'est comme quelqu'un qui aime. En tout cas, mettons, moi, j'aime beaucoup plus la musique, mais je connais pas la musique. Supposons que quelqu'un joue un morceau de piano que je trouve bien beau, je suis pas capable, moi, d'aller le féliciter. Parce que je sais pas lui s'il est content de lui ayant joué ce morceau-là. Moi, je réagis seulement émotivement à cette musique-là. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Ouais. Si je connais pas la loi de l'impression, maudit que tu joues bien. Le gars qui a bien joué, il est content, mais c'est peut-être pas beau de sa vie. Mais si lui, à son idée à lui, il a tellement joué, il a tellement chanté. Là, t'as l'air de yo-yo. Oui. Ouais. Moi, faisons un autre point. Parler de ce qu'on connaît, pas de ce qu'on connaît pas. C'est ça. Soit tu parles de ce que tu connais, ou tu fermes ta voix. Parce qu'autrement, tu fais impression, puis là, c'est pas moi de ouais. Parce que si t'es pas sanctif, tu sais pas si le gars a créé son affaire. C'est pour ça qu'il faut que tu fonctionnes au niveau d'intelligence. C'est comme au niveau du vin, quand vous êtes dans un restaurant, il boit du vin. Le gars, il amène cette petite patente. Il y en a-tu là-dedans? Chérie, Marie. Ah, ouais. Le gars, si le gars connaît son affaire, pis il te donne un vin qui va pas de merde, toi tu dis c'est bon. T'as vu qu'il a rendu dans la cuisine qu'il n'y a pas du fun? Pis il y a même l'opposé pareil. Si tu vas dans un restaurant, tu retournes une bouteille, t'es mieux d'être sûr de ton affaire, mais si tu retournes sa bouteille, t'es mieux d'être capable de dire pourquoi est-ce que tu retournes sa bouteille. C'est toutes des nouvelles impressions. Regarde la civilisation, la culture, c'est tout fondé sur ça. Qui c'est qu'on regarde? Comment est-ce que ça s'appelle? James Bond? James Bond? James Bond, il fonctionne toute sa loi d'impression. Son affaire de vin, là, qui connaît les vins jusqu'à l'an 1800, que, pis c'est cognac, pis c'est ci, pis c'est ça. Tu sais, quand on parle de tout. Parce que quand tu parles consciemment, tu peux parler de n'importe quoi. Puis il fonctionne tout ça. Simon Templar. C'est tout ça, la loi d'impression. Les Grecs. Les Grecs. Les Grecs. Il y a eu des abus. C'est là que ça tombe à l'eau. Les Allemands, durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, tu penses qu'ils n'avaient pas la loi d'impression? Regarde leurs habillements, leurs bottes, leurs seaux. J'ai jamais vu une armée aussi bien habillée. Par contre, les Russes qui n'ont pas de classe, putain, qui ont énormément de culture, mais ils n'ont pas de classe parce qu'ils sont produits de la révolution, les soldats, ils ont l'air des vrais oies. Alors, moi, je travaille avec des personnes handicapées physiques, entre autres. Puis, je suis conscient que je m'aperçois, en tout cas, que la pire barrière à leur intégration sociale, c'est l'impression justement qu'ils produisent sur les gens, sur l'entourage. OK, moi, te parler de quelque chose. Je m'en vais chez Benz un matin. Hop, Benz, Benz, c'est pas un matin, c'est un matin. Il rentre un tas d'handicapés. Un autobus. 20, 25. Ça pue. Il pissait un pilote. Il y en a qui faisaient caca avec là. Ça puait là-dedans, mon gère. Les gens chez Ben, ils ont sorti du magasin. Du restaurant. C'était pas à faute à ces pauvres gars-là. C'était à faute à celui qui l'a emmené là. Absolument. Parce que je suis sûr que celui qui les a emmenés là était conscient que c'est pas la première fois qu'il va dans un endroit public avec ces gens-là. Qui ont de la difficulté à se promener. C'est lui qui a été son erreur. Fait qu'est-ce qui arrive? Écoute bien ça. Les gens, parce que les gens sont inconscients, les gens vont critiquer les handicapés physiques. Ils vont pas critiquer le gars niaiseux qui est emmené là, que c'est quatre pattes. Ça va jouer d'avoir l'impression. Mais c'est ça qui fait qu'on a toujours une espèce de trémolo quand on rencontre quelqu'un, comme c'est là un frère, là, qui est comme déchu. Ça paraît dans son corps physique, tu comprends? Il y a une espèce de honte, ça, ici, qui est intègre, qui fait partie de nous autres. Tu comprends-tu? Même si on n'a pas de mine sur les gens qui sont inquiets. C'est pas. Il y a ça, là, ce que tu dis, là, qui fait que ça retarde les handicapés, mais il y a aussi. Il faut vraiment connaître la loi d'impression pour ne pas avoir honte d'être avec, accompagné de quelqu'un qui lui-même est infirme. Tu comprends-tu? Parce que c'est pas impressionnant quelqu'un qui est infirme au plan humain de l'ego. Faut être conscient que l'être à côté de soi qui est infirme est un être qui peut être noble. Et ça, tu sais pas à partir des titres ou à partir des compétences sportives. Tu comprends-tu? Marcher à côté d'un champion sportif, t'as pas honte. Marcher à côté de quelqu'un qui boite puis qui bégaye, ça, t'en as plus honte. T'es malade. Mais ce qui fait que tu es mal à l'aise là-dedans, c'est aussi la loi d'impression, aussi la loi d'impressionner. Donc, c'est les deux qui. Exactement. Parce que quand t'es à ta place, t'es jamais bien avec quelqu'un qui n'est pas à sa place. Exactement. Quand tu connais la noblesse de l'homme, c'est pas sa place qui soit influente. C'est ça. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Ça m'a été mieux de fermer ta boîte et pas avec des gens publics. Parce que tu n'as pas compris tout ça. Mais c'est très juste ce que tu dis. Très juste. Puis c'est tellement vrai, ça, ce que tu dis. Tu m'as dit quelque chose. Moi, je vis avec à peu près 12 personnes près de ma vie. Proches. Ils sont toutes beaux. Je parle pas de beaux intérieurement. Je parle physiquement. Ils sont toutes beaux. Pas des beaux têtes cassées. Mais beau dans le sens que c'est sont plaisants de voir. Les femmes sont belles. Gisèle, c'est un exemple. C'est plaisant. Les hommes sont bons. Ça fait toute partie de la même. Puis si Gisèle avait pas de croche, quand même, elle a tout le talent au monde pour faire un job, elle ne serait pas dans ma vie. Parce que, au niveau de la loi d'impression, au niveau de la loi d'harmonie, j'aurais pas été capable de la stander. Elle m'a fatigué. Parce que ça a été du karma. Bon, ben, c'est grave ce que tu dis. Comment tu veux dire, là? Bon, ben, ça, là, les femmes qui se trouvent pas belles, il y en a un bon juste là-dedans qui sont sensibles et qui sentent la loi d'impression et qui se trouvent pas belles elles-mêmes parce qu'elles souffrent de leur incongruence physique parce qu'en dedans, ils ont une sensibilité qui sont capables de connaître ce qui est beau. Mm-hmm. Puis ça, il y a des femmes qui vont se discréditer ou qui vont souffrir de leur, comment je dirais, dans de leur inharmonie physique. Mm-hmm. C'est pas juste parce qu'une femme va être grande ou est-ce qu'une femme va être peu claire ou séduite. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Oui. Ça, si on continue ça, là, ouais. Ah, ben, ça va ouais. Loin de vous voir. T'as pas le droit de pas être beau à l'harmonie. Ouais. Tu peux pas changer ton nez, non? Mm-hmm. Mais l'harmonie, c'est pas dans la beauté de la forme, c'est dans le mouvement de la forme. Ouais. Ouais. Si les femmes, là, moi je dis les femmes, parce que les hommes aussi c'est la même chose, ça qu'on a, on a overdosé les femmes avec ça. Mm-hmm. Parce qu'on a, on exige d'elles qu'elles soient belles, ça donne autre chance. Ça fait un équilibre avec la gang d'hommes qui sont pas beaux. Mm-hmm. Les hommes sont pas beaux avec une petite belle femme. Mm-hmm. Si on comprend ça, ça fait que la femme a mal à la disqualité parce qu'elle n'est pas belle au niveau shape, là, 36, 24, 36. Parce qu'à partir du moment où elle se laisse plus paralysée par son inharmonie, elle devient paralysée, elle devient en mouvement, elle devient belle. C'est ça. Oh. Très bien. Très bien. C'est pour ça que des fois, on dit, des fois, on va voir des personnes âgées d'un certain âge, tu sais, 55, 60. Est-ce que c'est la. Il y a une petite madame qui est paralysée dans le groupe, avec tous les cheveux gris, là. La femme de M. Robert. La femme de M. Robert, Mme Robert? Oui. C'est une beauté, ça. Beauté. Putain, elle croche. Mais énorme. Mm. Fait que les gens n'ont pas besoin d'être des beautés. Les gens ont besoin d'avoir de la nobilité. Mm. Quand ils sont nobles, automatiquement, il y a une harmonie dans la forme. Puis ils vivent de l'harmonie de la forme. Moi, j'avais une de mes tantes de Boston. Elle était grosse, elle pesait, je pense, 250 livres. Elle avait eu des problèmes à la naissance de son deuxième enfant. Mais elle avait tellement de cette souplesse-là. D'ailleurs, elle portait des talons hauts tout le temps. Elle se forçait à porter des talons hauts. Fait que tout son corps qui était pesant était soutenu par ces petits talons-là. Fait que ça y allait comme un... Elle savait comment s'habiller. Elle savait comment... Putain, elle était grosse, ça tout déformé. Fait que... Il s'agit pas d'être esthétiquement parfait, il s'agit d'être en harmonie avec la forme. L'harmonie est de la forme, il faut du mouvement. Il n'y a pas d'harmonie dans la raison. Non, très juste. Il faut du mouvement. Puis le mouvement, il vient d'où? Les gens qui sont tous gênés, là, sont tous. Le mouvement, il vient d'où? Il vient de l'intérieur. Il est tout lié à tes émotions. Si les gens se démotionnaliseraient, ils se donnent automatiquement du mouvement. Mais les gens sont tellement pognés qu'ils sont paralysés. Enfin, sans parler de paralysie physique, parce qu'une personne peut être physiquement paralysée et avoir énormément de mouvement. Tu vois des films, des fois, là, le gars, il a la canne, là. Ben, il y a la... Moi, j'aime ça avoir de la classe, là, tu sais. Il est là. Il est là, il est arraché, là, il y a un petit patch noir. Et Diane, mon chez Diane. Ça lui donne... Sa patch noire, ça lui donne quelque chose, sa patch noire. Les Allemands se crevaient les yeux, se mettent des patchs noirs. Mais, tu vois, avec vous autres, je suis suffisamment libre pour parler, pour envoyer un thème... Un terme qui veut dire ce que je veux dire. Quand je dis avoir une classe naturelle. Avec le monde, je peux pas parler de ça parce qu'ils vont dire, il parle, c'est rendu du snobisme. C'est pas de la classe sociale que je parle. Je parle de la vibration intérieure, de l'harmonie intérieure, du mental pis de l'émotionnel. Que même si au lieu d'avoir deux jambes, t'as deux roues, tu fonctionnes. Faut que ça me brûle. Tire. Tire. Je suis en tête, tu vois, ben, c'est comme l'homme de scie, le policier qui est en roulette. Il était quand même. Alexandre. T'es sympathique. Bah, t'es évident. Mais. Faut qu'il y ait quelque chose en dedans. Par contre, t'as des femmes qui sont belles, là, ça, plastiques, là. Pis en dedans, ils ont rien. Fait que moi, j'appelle ça des femelles. Rien que des femelles. Des mannequins, là, y'a plus rien, final. Pis t'as des femmes qui sont moins belles. Ça sort. Charles. Y'a du chat. Charles. Les autres, si on ne fait pas avec Benoît l'inversion, ça trouverait 5 000 avec des gangs, des gangs. Puis s'il y a juste des gens, ça va. Continue là. Si tu veux, c'est que si ça lui déplaît, si les autres mondes lui tombent sur les nerfs, puis t'es mal à l'aise avec les autres gens, ça devient une corvée. Fait que si c'est pas. Ouais, des fois, t'es pas. Tu de fitter avec l'impression, ouais. Tu te trouves saignée avec juste eux autres, tu veux rien savoir de nos plans. Ouais. Parce que t'es. Dans la vie, vous n'allez pas tout être en vous autres. Dans la vie, vous êtes obligé des fois de rencontrer un notaire, de rencontrer un boulanger. De rencontrer un belle-mère. C'est ça, non? T'es obligé de fitter avec ça. C'est ça. Fait que là, c'est là que t'es obligé, entre vous autres, vous avez compris, vous savez, la loi d'impression. C'est ça. Et quand t'es rentré avec la belle-mère, t'es mieux de faire d'organiser. Parce que les gens jugent sur l'impression. Pourquoi c'est la loi d'impression? Parce que les gens jugent sur l'impression. Si les gens me jugent à quoi sur l'impression, moi je pourrais rencontrer des gens en jean. À mon âge. Alors la loi d'impression joue sur l'efficacité de la loi d'impression et la capacité d'administration de l'émotion. Ou de l'émotivité. La capacité de la loi d'impression est sur la fixité du mental supérieur dans le mental inférieur. Parce que si tu commences à jouer de la loi d'impression, tu peux pas jouer de la loi d'impression. Tu peux faire des impressions quand tu es inconscient, mais quelqu'un qui est conscient va voir clair dessus. Oui, mais il y a un danger. Mais quand tu es conscient, tu joues pas de la loi d'impression, tu es loi d'impression. Tu es ça constamment. C'est une manifestation d'intelligence. Tu es automatiquement. Tu ne peux pas faire autrement que. Tu peux pas faire. Non, mais. Lorsque. Ce que je sens ce soir, c'est que tu t'en plus à l'aise pour en parler de la loi d'impression. C'est que c'est au niveau de l'émotivité ou de l'émotion. Soit qu'il y en ait moins au niveau du groupe, ça la prend. Ah oui, okay. C'est pas que je peux en parler. Ah, c'est ce qui est. Le poids, en fait, il peut menacer la loi d'impression lorsqu'on commence. Ouais. À être à l'aise. Moi, ce qui m'empêche de parler au groupe, c'est les émotions du groupe. C'est pas moi. Moi, je peux parler à gauche, à droite. Mais aussitôt que je sens de l'émotion dans le groupe, j'arrête. Je m'en parlais d'autre chose. J'en parlerai pas. C'est mental. Le groupe soit un petit peu plus mûr. Mais un petit peu plus mental. Il y en a avec qui je peux parler de n'importe quoi. Il y en a avec d'autres. C'est comme je fais la veille du monde en même temps. Mais je suis obligé de toujours chercher des minutes en commun. C'est ça. Je suis pas sincère. C'est quoi l'ambiance, Bernard? Hein? Je parlais d'un verre tantôt que je portais à la gamme. La classe naturelle. La classe naturelle. C'est ça, la gamme? Ouais, la classe. Du style, la classe. Mais c'est pas le style qu'on parle et de la classe qu'on parle. Hein? Être racé. Être racé, c'est un autre mot. C'est ça. Être racé. Pourquoi t'as fait la première étape que tu peux faire de bonne? Moi, vous donner un exemple de bien, ça, c'est bien comme je reviens avec une petite minute. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit gars, j'avais des tensions parce que aussitôt que je rencontrais des Français, je commençais à parler en français. Je rencontrais des Marseillais, je parlais en Marseillais. Je rencontrais des Parisiens, je parlais en Parisien. Mm. Fait que là, je me disais, tu m'as dit qui c'est que j'ai? Fait que je pensais que j'avais des complexes de supériorité. Fait que quand j'ai été contacté, je me suis aperçu que j'avais le pouvoir de la parole. Là, ils m'ont expliqué que c'est vibratoire chez nous. Fait que je m'ajuste. Fait que quand je vais en France, mon langage change. Ils peuvent jamais croire que je viens d'ici. Mais là, ça me fait plus rien. Parce que je la comprends, la loi d'impression. Mais quand j'étais jeune, j'ai dit, puis comme je ne comprenais pas, j'en souffrais. Puis j'ai des amis très près de moi qui ne comprennent pas ça. Une fille que je connais qui étudiait en linguistique. Puis quand j'étais avec elle, on parlait canadien. Aussitôt qu'il y avait un français, ben, elle était là, je changeais en français. Elle ne comprenait plus rien de ce qui se passait. Puis ça a pris des années avant de pouvoir l'accepter, ça. Aujourd'hui, elle a commencé à l'accepter. Moi, quand je vais en France avec ma femme, je parle plus canadien-français, je parle français. Bah, automatiquement. Mais ma femme est habituée, elle continue à parler canadien avec moi. Mais moi, je tombe en français. Puis pendant que je suis en France, si je suis là pour un mois de temps, je parle toujours français. Je suis pas capable de parler en canadien. La vibration a changé. Mais c'est parce que je le sais. Dans ce temps-là, je vais se faire en maudit. Je me pensais que je me prenais pour un snob. Il y a bien du monde qui sont de même. Il y a bien du monde quand ils rencontrent des Français, whoop. Ils rencontrent des Allemands, whoop. Le langage change. Ils rencontrent des Espagnols mexicains ou des Espagnols d'Espagne. Whoop, l'Espagnol change. Quand tu rencontres des Chinois et tu parles pas le chinois, à ce moment-là, ça va pas dire nécessairement au niveau de la tableur. C'est bien subtil, ça. Moi, je vois la langue, je le lis automatiquement. Là, aujourd'hui, je peux le comprendre, je peux le saisir, je peux le vivre en paix. Mais dans ce temps-là, ça me crée une tension. Très bonne impression. Fantastique. C'est la fondation même de la psychologie, là. Je pense que tu m'étais dans Béli, il y a deux, trois pages. Rien que tu t'en as l'impression. As-tu connu ça? La loi d'impression, c'est jamais pour toi et ça ou pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour les autres. Si les gens vivaient dans la loi d'impression, là. C'est que vous avez. Il dit que si les gens vivaient dans la loi d'impression, ils altéreraient toute leur personnalité. Parce que la loi d'impression altère la personnalité, change l'ego, ajuste la vibration entre l'ego et l'âme, automatiquement. Les goûts changent, tout change. Altérer dans le sens de ressources. Ouais, altérer dans le sens de développer. Et quand tu es avec quelqu'un qui n'a plus dans l'impression que cette forme de. Quelqu'un qui n'a pas de besoin. À ce moment-là, tu en as besoin. Non. OK, bon, ben, c'est ce que je te dis tantôt. Non. C'est ce que je voulais dire tantôt quand je t'ai dit, bon, ben, moi, si t'arrivais en jean, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de servir la loi de l'impression. Tu n'as pas besoin d'outils. C'est ça. Mais vous autres, l'erreur que vous faites quand vous parlez toujours d'un point de vue, vous ne parlez jamais des deux en même temps. Ben, je vous donne raison, parce que c'est raison. Là, je te dis, vous montez l'autre bord. Vous parlez tout d'un point de vue. C'est dur, en arrivée, de parler de deux points de vue. Parce que pour parler de deux points de vue en même temps, il faut que tu parles parfaitement. Si tu parles parfaitement, là, tu rends tous les deux points de vue en même temps. Tu vois les deux possibilités en même temps. La seule que j'avais vue tantôt, c'est que moi, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Quand tu arrives avec les jeans. L'autre point de vue que j'avais pas vu, c'est que quelqu'un d'autre. En fait, Bernard, c'est avoir une capacité d'adaptation, donc tu souffres plus. Exactement. C'est une capacité d'adaptation totale. S'il pleut, s'il fait beau, il fait beau. C'est ça. S'il y a du poisson, tu manges du poisson. C'est ça. Moi, je suis à la Lyon, je vais acheter deux parapluies, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Un parapluie quand je vais dans les beaux hôtels, puis un parapluie bien dans le flag quand je suis arrivé. Quand je vais au Ritz, j'ai un parapluie, puis il fit. Il fit. C'est à quoi la loi d'impression? Moi, je dis quand je m'en vais. Mais j'aurais fait ça avant d'être conscient. J'aurais pensé que j'avais une manie. Deux parapluies. Parce qu'un parapluie, c'est un objet de personnalité. Une canne, c'est un objet de personnalité. S'il faudrait que je porte une canne, il faudrait que ce soit une canne particulière pour aller avec ma personnalité. Puis on voyait ça, il y a 50, 60 ans. Il y a un magasin, il y a qui vend des parapluies. Il y a des parapluies tout partout dans le monde. Mais des parapluies! Tu ne pas suivre des impressions, il faut embarquer dedans. Faut les créer. Les créer. Selon ce qu'on a à faire. Et plus ni moins, il faut que tu vivres le temps que tu as besoin. Tu vis durant le temps que tu as besoin. Quand tu n'as plus besoin, c'est comme du linge, tu l'enlèves. C'est très bon. Quoi? Non, les impressions, c'est la deuxième chose que l'homme peut créer. La première chose que l'homme peut créer, c'est le langage. La deuxième chose qu'il crée ensuite, c'est l'impression. Mais il faut que l'homme parle avant. L'homme ne peut pas créer d'impression s'il ne parle pas. Mais juste par le langage, tu crées des impressions. Tout de suite, tu peux te repérer. En tout cas, il y a des, ouais, il y a des classes, des sociétés, là, si tu parles un tel langage, tout de suite, tu sais. C'est ça. Les gens, ils savent exactement quel milieu. Exactement. Social, exactement. Exactement. Sans que l'on ait l'impression. Ok, mais quelqu'un qui a l'air noble, mais qui ne parle pas, il va avoir quand même l'air. Il va avoir l'air pareil. S'il rouvre sa gueule, il n'est pas noble à ce moment-là, il va tomber. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. C'est plein de mal, tu vas le prendre. Tu vas le sentir? On va gagner l'air, monsieur. Celui qui lui est, il ne sa personnalité. Il va être impressionné par sa personnalité. C'est ça. La présence en scène. Les gens inconscients, là. La présence en scène, oui, on parle de l'extérieur. Un grand acteur, on dit que lui, il y a une certaine présence en scène, c'est ça. Il traîne ça avec lui. Pourquoi les acteurs, souvent, ils veulent changer? Comme Sean Connery qui est sorti de James Bond pour faire d'autres sortes de théâtre. Pourquoi? Parce que les gens, ils identifient à ce qui passe. Parce qu'il y a du monde bien drôle dans le monde. Il y a des gens, si t'es toujours character cast, comme ils disent, là. Mm-hmm. Puis t'as tendance, oui, dans des films à battre ta femme. Il y a des gens, des fois, ils s'identifient. Vous pouvez aller au restaurant, tu te dis, tu mets un tasse de café, puis une bonne femme va te lever, elle va s'en faire un coup de balai. Parce qu'elle pense que réellement, tu vois ta femme. Mm-hmm. Ils sont pas capables de dissocier. C'est bien fort, la loi d'impression. D'ailleurs, regarde tout dans la vie. Regarde ici, dans la maison. La loi d'impression dans la maison est tellement développée que c'est une belle maison. Sans loi d'impression. Okay. Moi, j'ai regardé, parce que je suis bête comme un feu. J'ai regardé, je suis arrivé là, je suis un œil critique au bout, puis je regarde, ouais, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis le monde dit tout marche. Parce que la loi d'impression est absolument relative. Ici, dans la maison, tout marche, tout clique. Fait qu'on dit, c'est une belle maison. C'est une loi d'impression. Lui, il est content. Il est content. Ça lui fait plaisir de recevoir des gens dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est une belle maison. On va aller voir. C'est juste le plaisir de l'intelligence. C'est le plaisir de l'intelligence. C'est une belle intelligence. Il manque d'intelligence dans la vibration. Il y a trop d'astralité, il y a trop d'émotion. Bernard, tu parles tantôt du schizophrène, puis en tout cas, j'aurais envie d'en entendre plus par rapport à la loi d'impression, justement, par rapport au psychotique, schizophrène. Psychotique par rapport au névrotique, lui, dans la loi d'impression, ce qui se passe là-dedans. Ils sont tous les deux coupables. Ils sont tous les deux incapables de s'ajuster à la loi d'impression. Ils sont tous les deux incapables de vivre intelligemment de leur personnalité. Puis quand tu n'es pas capable de vivre intelligemment de ta personnalité, tu ne comprends pas. Puis si tu ne comprends pas, tu n'es pas capable de t'ajuster aux impressions astrales puis aux impressions mentales, puis tu les mélanges les unes avec les autres. Fait qu'à ce moment-là, il y a un mur qui se construit entre les deux, puis éventuellement, il y a une séparation, ce qui est le cas du schizophrène. Dans le cas du névrotique, le mur n'est pas aussi vaste. Mais c'est la même chose. Le névrotique peut devenir schizoïde. Ça va plus loin. Puis ça y prend quoi? Quoi? Après ça, pour le décraquer. Quand tu es schizoïde? Oui. Ça prend un bon psychiatre. Ben, ça. Ça prend un bon psychiatre, il y en a. C'est rare, c'est difficile à dire schizophrénique, quelqu'un qui est schizophrénique. Faut peut-être de l'intelligence, parce que tu peux toujours rétablir l'équilibre d'un esprit. Seulement, ces gens-là sont rendus tellement au bout de leur évolution que ça prend bien du temps. Moi, j'ai rencontré un gars chez Don, un soir, il était assis puis il parlait à sa catin. Là, c'est parce que je voulais parler avec sa catin. J'ai dit, comment est-ce qu'elle est ta catin? Il disait, bien. J'ai dit, comment est-ce qu'elle m'a donné son nom? Pour aller parler de sa catin. Mais je n'ai pas commencé à guérir, le gars. Il a dit que je passe bien des heures, là. Mais ça se guérit, là, de même. Mais faut que tu connaisses les lois de l'esprit, faut que tu connaisses les lois de sa catin. Faut que tu connaisses sa catin, faut que tu connaisses la psychologie de sa catin. Faut que tu saches pourquoi est-ce qu'il aime tant sa catin. Faut que tu connaisses l'homme parfaitement. Là, tu défiles, tu déroules, tu te l'amènes éventuellement à sortir de son ordinaire. Sois conscient de l'horloge. Mais ça, c'est la conscience, c'est ça l'intelligence. Je sais. Psychiatre. Avec la pilule, sa conscience. C'est ça, quelqu'un qui est inconscient de la loi d'impression, okay? A l'impression de la subir et non pas de la créer. C'est ce qui arrive. Exemple, comme toi ou ton père a pu. Okay? Mm. C'est-à-dire que le gars qui, si c'était inconscient, t'aurais dit, oh, ben, je m'en vais au Ritz. Donc, ça m'impressionne. Donc, j'apporte ce père a pu. Tandis que, comme t'es conscient, tu te dis, bon. C'est ce parapluie-là qui va me servir mes calories. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toujours des moyens, L'intelligence créative est tellement vaste, l'inconscience humaine est tellement grande que t'as besoin de beaucoup de clés pour rentrer sur tous les paliers. Fait que c'est un moyen de communication, de niveler les différences psychologiques et émotives. Pour arriver au contact. C'est ça. Pour arriver au contact, parce que le but de la loi d'impression, c'est toujours faire le contact avec l'autre. C'est ça le bonheur quand on... Ça revient à ça, il est là le point. Le but de la loi d'impression, c'est d'en arriver à pouvoir faire le contact. Une fois que le contact est fait, tu n'as plus besoin de la loi d'impression, mais c'est de casser la glace. Fait que si tu n'as pas la loi d'impression, tu ne feras jamais le contact. C'est évidemment. Tu ne rencontres pas un roi de même, parce que là, on rencontre un roi. Hey! Ils ont tout un protocole devant eux autres.